Elle me raconte des histoires. Moi je fais semblant d'y croire. On a besoin de rêver. On dépense sans calculer. On s'amuse de petits riens. On se fout du lendemain. Comme deux enfants à voyager dans le temps. Comme deux enfants à jouer papa, maman. Comme deux enfants. Ses yeux me parlent. J'ai besoin de sa présence. On ne vit que de secrets. On ne pense qu'à jouer. On ne lit pas les nouvelles. On voyager dans le temps, comme deux enfants à jouer papa, maman, comme deux enfants. Comme deux enfants voyager dans le temps, comme deux enfants à jouer papa, maman, comme deux enfants à voyager dans le temps, comme deux enfants à jouer papa.